Tu voulais finir ton histoire? Pour une histoire. Comment prendre ça? Il ne faut pas prendre ça au sérieux. C'est un parallèle. C'est une tentative d'explication de certaines choses. Alors donc, lentement, il y a cette structure biologique qui va engendrer un scaphandre. Scaphandre qui pourra être habité par, pas par Léon, mais par une boule de lumière, quand même. Un truc qui ne ressemble pas au corps physique, qui a la capacité de faire vibrer le corps, qui a la capacité de l'animer. Comme l'âme. L'âme anime le corps, mais d'une façon tellement imbécile, tellement archaïque, que ça n'a aucun rapport avec ce que ça peut donner un corps convenablement conduit. Souvent, on va dire, notre corps physique est limité, il est ceci, il est cela. Prends l'exemple d'un bonhomme qui embarque sur un bateau. Un bateau moteur, disons une trentaine de pieds ou un voilier de 30 pieds. Un bateau moteur avec deux moteurs. Prenons l'exemple des autobus. Fais avec ton bateau moteur de 30-35 pieds, tu es dans une marina, tu viens de l'acheter, ben voilà, tu fais qu'à t'en aller avec. Regarde bien comment un bonhomme qui ne sait pas conduire un bateau moteur, comment il peut faire, qu'est-ce qu'il peut faire avec un bateau moteur? Il va frapper le quai, en admettant qu'il n'oublie pas d'ôter les amarres. Comment? Il va frapper d'autres bateaux, il va tourner en rond, il va avoir une grande difficulté à s'en aller. Maintenant, demander de revenir au quai. Il va s'en venir comme un auto, puis à trois pieds du quai, il va vouloir arrêter. Il est sur l'eau, donc il va arrêter dans le quai, puis bon. J'ai été capitaine d'un voilier relativement grand, j'ai vu suffisamment de gens s'amuser avec des bateaux à moteur, ou des bateaux à voile avec moteur ou à voile. C'est une vraie farce. Alors, une personne va dire, oui, mais avec un bateau, on ne peut pas faire comme avec un auto. C'est sûr, tu ne peux pas faire griller tes pneus, c'est bon. Mais c'est pas maniable autant, tu ne peux pas ci, tu ne peux pas ça. Mais prends un bonhomme qui a de l'expérience qui met là sur le même bateau. Il fait tourner le moteur dans un sens, tasser d'un bord, l'autre moteur dans l'autre sens, il vire, il fait ce qu'il veut avec. Ah, oh, mais je ne savais pas que... Voilà, bien l'âme, c'est la même affaire. L'âme, elle manipule le corps physique comme le corps physique a été manipulé à travers les millions d'années d'expérience de l'âme dans le corps physique. Mais l'âme puis l'enfant, c'est similaire. L'âme puis le corps physique, puis le parent puis l'enfant. L'âme manipule le corps comme elle l'a appris. Mais ce qu'elle fait, c'est ça qu'elle instruit. Puis ce qui est instruit, c'est ça qu'elle l'instruit. Finalement, c'est une boucle certainement vicieuse où il y a à peine amélioration, sauf évolution accidentelle, qui a toujours été l'une des grandes sources de l'évolution psychologique, donc amique de l'âme, et l'une des seules sources d'évolution biologique de la majorité des animaux. L'évolution adaptative à la Darwin, et non pas améliorative. Peux-tu me recommencer ça tranquillement? Le conducteur du bateau qui n'a pas d'expérience, c'est l'âme. C'est l'âme dans un corps physique, puis l'âme par la parole dit que le corps physique est limité, il ne peut pas traverser un mur, il se blesse, il est malade. Ça, c'est l'âme ça, qui conduit tout croche. Le bonhomme expérimenté qui prend le même bateau, qui le frappe plus nulle part, qui fait de la vitesse, qui gagne des courses. Il n'est pas arrivé, lui. Ça, c'est la conscience, l'intelligence, qui a créé la structure, qui proliférait à travers quelques milliards d'années, engendre une structure biologique, qui est le bateau. Puis maintenant, ça, c'est en train de vouloir investir l'homme. Mais là, le gars qui est dans le bateau parce que c'est un parasite qui était là, puis finalement, il a vu que les bateaux se promenaient. Il ne veut pas s'en aller. Lui, il ne veut pas s'en aller. Et qu'est-ce qui va arriver? Bien, il va arriver simplement que dans l'enfant, il y a toujours ce phénomène de l'intelligence. Surtout, l'enfant a un système neuronique plus élaboré que celui de ses parents, mais pas fini en termes de programmation. Alors, il y aura des étincelles, il y aura des gerbes de conscience qui vont transparaître. Et l'enfant va vivre avec ces gerbes de conscience où il va voir toutes les choses. Mais quand un enfant découvre qu'il voit plus clairement que l'adulte, qu'est-ce qu'il peut faire s'il y a de l'ego? C'est-à-dire, si le virus est dans l'enfant, l'âme, puis que de temps en temps, pouf, tu vois plus clair, pouf, ça arrête, c'est une gerbe pendant la croissance. Et il y a un œil qui monte, puis le corps le rattrape. Là, il monte, tu vois clair, le corps le rattrape, tu vois plus rien. Là, il monte, tu vois clair, jusqu'à t'arrives à être un adulte, puis là, ben là, tu lis pour savoir quoi dire. Là, tu ne prends plus pour un autre, là. Il arrive simplement que l'enfant qui fait cela, il voit un peu plus clair, gerbe de conscience. Alors, à un moment donné, il va voir que ses parents, mais ils se disputent pour rien. Ah, les parents vont dire, toi, Alec, quand tu te disputes, tu pourras rien. Ça va de soi. Mais quand l'enfant se dispute, c'est quand il est conduit par l'âme. C'est émotif, sa dispute. Les parents aussi. Ben oui. Mais quand l'enfant voit la stupidité de la dispute, il va vouloir en parler. Mais lentement, il peut finir par redevenir un enfant qui va se disputer, sauf qu'il a la mémoire de la vision claire de la stupidité. Lui le sait, pas le parent. et le parent n'a peut-être jamais eu la vision claire de la stupidité dans son cas. L'enfant ne le voit pas dans son cas à lui, mais c'est pas ça le problème. Lui, il l'a vu dans le cas des adultes. Mais les adultes le voient dans le cas des enfants. Si tu as deux enfants qui se chicanent, puis tu vois, tu le vois que c'est stupide, ils chicanent pour rien. Non. C'est bien rare. Bien rare. Habituellement, les adultes, ils ne voient pas que c'est stupide. Ils voient que ça étale. Ils voient que c'est écœur. Ils voient que ça fait du bruit. Ils voient, etc. Mais ils ne voient pas que c'est stupide. Parce que l'enfant, quand il voit très clairement des choses. Et par la suite, c'est étouffé. Il ne voit plus, mais il a la mémoire. Donc, l'ego s'en empare, le virus, l'arme. Et pour manipuler maintenant, bien, étant donné que tu connais les lacunes des adultes, puis que tu es redevenu un humain conventionnel, avec un âme et de l'ego qui recherche du pouvoir, n'attends-toi pas à faire autrement que l'enfant manipule les adultes. Maintenant, l'enfant n'a pas encore été aplani. Parce que quand tu aplanis, il y a une croissance. Tu coupes une croissance. Tu coupes une croissance. C'est plus compliqué. L'adulte est aplani. L'enfant, lui, ce qui va arriver, c'est qu'il n'y a pas tout, il n'est pas instruit encore. Il ne se sent pas coupable autant que l'adulte. Lui, ça ne le dérange pas en tout de claquer dans l'eau avec ses rélines choux puis de rentrer tout mouillé à l'école. Mais il n'y a pas un adulte qui va faire ça avant de rentrer travailler. En tout cas, s'il rentre, il va sortir. Bon. Ouais. L'enfant n'a pas cette complication. Il va arriver tout crotté à l'école, les professeurs vont lui faire des remontances, ça va à peu près s'arrêter là. On va le dire à ses parents. Donc, on médiocrise encore l'idée. Lui, il n'a pas le droit de penser, il n'a pas le droit d'avoir ses goûts, il n'a pas le droit de faire ses conneries. On va le dire à sa mère, on va le dire au directeur. En tout cas, bon, c'est un paquet de folie. Perdre du temps. Mais là, ce qui va arriver, c'est que l'enfant, lui, n'est pas contraint par ce phénomène de complication culpabilisatrice. Alors, pour manipuler, ça devient drôlement plus facile. Mais c'est pas coupable. Il y a une puissance. Lui, il va te faire crier dans une dépendance, ça ne le dérange pas. Non, parce qu'une fois qu'il est sorti, il s'est oublié. C'est ça. Toi, ça te dérange encore. Tu as peur d'y retourner. Là. Oui. Et toi, tu ne seras pas crié un autre non plus. L'enfant n'ayant pas ce paramètre de culpabilité qu'on doit absolument inculquer à un enfant qui évolue d'une façon typique normale, où on met de la culpabilité dedans, où on met de l'intelligence dedans. Pour mettre de la culpabilité là-dedans, il faut qu'on se sente aussi coupable. Puis là, on se sent honteux, puis là, on l'instruit à partir de ce qu'on vit. Pour mettre de l'intelligence là-dedans, il faut qu'on soit intelligent. Habituellement, l'humain met de la culpabilité dans l'enfant. Donc, on remplit l'enfant, si je peux dire, si c'est un contenant. Un scaphandre, comme tu disais tantôt. Que nous sommes, on est rempli de ce qu'on veut, puis quand il arrive à l'âge de 12 ans où il serait prêt à recevoir l'intelligence, il n'y a plus de place. Ben non. Comment on peut faire pour le laisser plein, vide à moitié, on va dire, plein à la moitié ou vide à la moitié, comme ça va être pareil? Non. L'enfant, tu ne peux pas le remplir à la moitié, surtout l'enfant nouveau, donc depuis 1972, entre autres, il y a toujours des exceptions, évidemment, tu ne peux pas le remplir à moitié de conneries. Si tu le remplis à moitié de conneries, il va te vomir ça dans la face régulièrement. Mais lui, il arrive à 12 ans, l'enfant nouveau, est-ce qu'il est encore vide? Ou lui-ci, il a un arme, puis lui-ci... L'enfant nouveau, les enfants actuels sont suffisamment pleins, mais suffisamment en guerre. Mais ils ne sont pas à moitié, mais ils sont en guerre. Un enfant nouveau, tout à l'heure, on jasait justement en bas dans le salon d'un enfant problème. Et puis moi aussi, j'en connais des enfants de cet ordre-là. Et puis si moi, je suis là, ils viennent s'asseoir pour jaser avec moi. Mais quand ils sont avec d'autres, comme tout à l'heure, je t'expliquais, ils peuvent passer à côté d'une table, et ça a 12 ans, ces enfants-là, puis ça va jeter un verre à terre, ça va s'en aller. À 12 ans. Et tu dis, il n'est pas brillant, il est très brillant. Il veut simplement t'enrager. Il est toujours en lutte avec ses parents, il est toujours en lutte avec n'importe quel autre adulte. Avec moi, il veut jaser, parler. Ça donne bien, une grande gueule. Est-ce qu'il a le temps de parler? Oh oui. J'ai pas des conférences avec lui. Mais qu'est-ce que ça lui donne à l'enfant de te parler? Pourquoi il a le goût de te parler? Pourquoi il n'a pas le goût de parler avec ses parents? Quelle est la différence? Parce que je suis le seul adulte que cet enfant-là connaisse qui est capable de lui dire « Oui, tu as raison. » Ben, il me dit « Moi, mais ma mère est folle. » Eh oui, ta mère est folle. Mais sa mère, elle ne dira pas ça, certainement. Après ça, je lui dis « Mais dis-le pas à ta mère que je te l'ai dit. » Puis ça, il faut que j'y fasse comprendre. Parce qu'il y a encore de l'égo. « Bon, ben, t'es folle, je le savais. » Puis Daniel l'a dit. Sa mère, vu qu'elle est folle, m'a pas sûrement passé après un mauvais quart d'heure. Alors, pourquoi? Ben on jase de quoi? On jase, je le laisse aller. Moi, je n'ai pas besoin de l'instruire. Puis, il me dit des choses. Puis, dans ce qu'il va dire, ben il commence par des niaiseries dans le début. Puis, ça, il n'y a rien à faire, ça ne va pas entre lui et moi. Il teste. Ouais, il me teste. Ça ne marche pas. Après ça, ben je peux lui poser la question. C'est intelligent comme côté. Il n'a vraiment rien d'autre à dire. Sauf que, de la façon dont je communique avec, lui, il est convaincu, il sait que ce que je dis là, c'est vrai. Il sait qu'il est intelligent, mais il sait que c'est vrai que je le sais. Tandis que les autres adultes, ça va être des manipulations. « Ouais, mais un brillant comme t'es, arrête donc de faire ça! » C'est pour ça pas tout, ils veulent que j'arrête parce qu'ils sont écœurés. Ils sont faibles. Oh, ils m'amusent. Bon. L'enfant Il vient, l'enfant, on parle de l'enfant nouveau. C'est totalement vide de conneries. Il y aura toujours des petites conneries parce qu'il y a de réincarnation dedans, à cause qu'on lui a donné un nom, à cause qu'il vient au monde sous l'effigie d'un égrégore particulier, nécessairement, il y aura toujours un peu de choses dedans. Par contre, il va être capable de les éliminer régulièrement, de les contrôler, de les assujettir. Le peu d'âmes qui va l'habiter, lui, va le contrôler. Et cet enfant-là, il doit, premièrement, ne jamais aller dans une école conventionnelle. Parce que, ou bien, il va y avoir des professeurs qui vont se suicider régulièrement, ou bien, oublie ça, il va devenir un enfant transitif avec des facteurs de guerre, de lutte interne. Il ne doit jamais côtoyer... C'est pas vrai. Il peut côtoyer toute la société, à la condition que tu lui expliques bien comment la société elle est. Et comme je dis souvent, si on veut éduquer un enfant nouveau, on doit le monter contre la société. C'est la seule façon de l'éduquer. Mais en réalité, on ne le monte pas. On lui dit, t'as raison. Il sait déjà tout ça. Il est déjà convaincu de ça. Il n'a pas appris grand-chose. Alors, on le prépare donc à vivre dans un monde habité par des animaux humains. Des humains qui vivent en troupeau, des humains qui se battent encore pour une femelle, des humains qui pensent qu'à boire, comme un chien qui mange, un zien, il mange, il boit. Bon, des humains qui font même affaire. Oh, ils appellent ça Moulson, ils appellent ça 50. Il faut qu'on se parle, fait qu'on prend de la bière. Le rapport, il ne boit pas tellement. Alors, tu leur expliques, il faut que l'enfant il sort, l'enfant, il boit, puis il faut qu'il y ait au moins un adulte sur son avis, que c'est d'accord avec. Puis cet adulte-là, s'il fait des conneries, il faut que l'enfant sache, il faut que l'adulte lui dise, moi, je suis aussi une tapette. Alors, l'enfant va te respecter. Parce que tous les autres, ils vont essayer de te... T'es un tough, moi, l'enfant. Il y en a un tough qui fait mais de la poêle dans du papier. Un tough, tu ne contrôles même pas, il a besoin de têter encore le sein de sa mère. Puis ça le rassure, il se pense tough quand il tète. Bon, ben l'enfant, ça ne marche pas. Puis un enfant nouveau, ben tape dedans, fais n'importe quoi, tu ne prouveras jamais, t'es autre chose. Tant que l'enfant peut te manipuler, il sait qu'il est ton maître. Puis un enfant qui est imbibé d'armes, a de l'ego, a besoin de pouvoir, puis nécessairement, ça devient manipulateur absolument effréné. Juste pour le trip de manipuler. Il ne peut pas aller jusqu'à chercher même de te faire enrager. Oui, juste pour le fun. Tu lui serres les bras pour... Je ne l'avais pas. Je ne l'avais pas changé d'idée. Il y a beaucoup d'enfants, il y en aura de plus en plus, qui vont manipuler les parents exclusivement pour les voir aller. C'est du pouvoir. Pour s'en débarrasser en tant que parent, il s'agit de s'associer avec, de devenir son allié, puis de se... Et encore une fois, beaucoup de parents pourraient dire, oui, mais tu sais, c'est pas de même, ceux-là, tu sais, bon, ils vont aller fouiller ailleurs pour avoir des solutions plus terre-à-terre, dans le genre... au lieu de taper sa fesse gauche, tape sa fesse droite. Dans le genre, achète-y plus de cadeaux, c'est pas content. Dans le genre, ben explique-y, parle-y sérieusement dans la face. Oui, mais ça dépend de l'âge qu'il y a, puis ça dépend de comment il parle, puis ça dépend de l'énergie que t'as. Parce qu'avec l'énergie que t'as, tu peux le geler complètement. Fait que là, il peut rien gober de ce que tu vas dire. Le lendemain matin, tu agis comment avec. Bon. Il y a deux solutions avec les enfants nouveaux. T'en débarrasses. Ben la première, c'est que t'en as jamais. T'en as pas. Ou tu t'organises pour apprendre d'eux autres. Fait que les solutions rapides des McDonald's de l'évolution, les solutions McDonald's, il y en a hélas pas. Ça prend à peu près 15 à 20 ans pour pouvoir éduquer convenablement un enfant nouveau. C'est assez long. Puis là, il est formé pour devenir plus ou moins son seul maître. Il est capable de se tenir. Est-ce que ça ne serait pas l'inverse? C'est pas pour tout l'enfant nouveau que ça lui prend 15 à 20 ans pour éduquer son père ou sa mère? Si les parents sont aptes à écouter, oui. Mais non. Un enfant nouveau, pour éduquer un adulte convenablement, ça va lui prendre entre 20 et 30 ans, ça c'est sûr. Parce que l'adulte n'a pas la même faculté d'apprendre. Il apprend moins vite. Plus de problèmes, ah oui. Il faut qu'il se fasse battre plus longtemps. Il aime résister pour souffrir. On passe à la période de questions. Mm-hmm. Ce qui est difficile comme parent, c'est d'avoir de l'équilibre, un équilibre de l'ego et du mental. Je dois instruire mon ego de la réalité, mais la réalité, c'est quoi? C'est d'observer si c'est l'ego, ensuite si c'est intelligent. Et après, avoir assez d'énergie pour appliquer l'intelligence. Et j'en manque souvent. Avoir fait du point de vue de l'ego et du mental. Non, quoi faire du point de vue de l'ego et du mental? Bon, avoir un équilibre entre l'ego et le mental, c'est du point de vue... directement efficace, impossible. On doit avoir un mental qui contrôle l'ego. C'est tout. Quand l'ego braille pour avoir des petites choses, puis que mentalement, on détecte que ça ne dérange pas de les lui donner, on lui donne. Quand l'ego braille pour avoir des choses, bien, l'ego, il est tout comme l'enfant. Tu Comment tu fais pour savoir que c'est l'ego qui veut avoir des choses aussi? La façon dont ça va être amené, la façon dont ça peut être réfléchi, la façon dont ça peut être dit, la façon dont il va y avoir une réaction suite à un échec de ce que tu demandes. S'il y a de l'émotion, c'est que c'est à l'ego? S'il y a de l'émotion, c'est l'ego est nécessairement un des demandeurs. Tu peux demander mentalement et égoïquement. Tu peux demander qu'exclusivement égoïquement. Mais nécessairement, il y a un des demandeurs sera l'ego s'il y a de l'émotion dedans. Personne ne peut dire froidement, non, moi, je pas d'émotion. Tu sais, je vais aller chercher un cornet. D'accord. Mais si le dialogue est fermé, il va réagir comment? Mais si c'est intelligent, si disons que tu es un projet amené à bien, que tu vois que c'est intelligent, que tu fasses ça. Et que l'ego s'amuse en plus? Et puis que ça ne réussit pas, que ça ne se mène pas à bien, est-ce que c'est normal que quand même ça te dérange un peu? Si normal. Ça te dérange le moindrement, c'est l'ego. Normal. Mais... stupide, mais normal. Mais même si c'est pas intelligent. C'est pas intelligent. C'est donc que c'était un désir de l'ego. À quoi ça sert? Ben, s'il y avait une intelligence, je ne donne pas d'exemple en particulier, je pense à n'importe quel projet, s'il y a une intelligence à faire ce projet-là, puis tu n'arrives pas à le mener à bien... Quelle intelligence y aurait-il d'être déçu? J'en vois pas. Bon. Donc, c'est pas intelligent. Donc, c'était l'ego. Mais émotivement, il y a pas qu'une raison d'être déçu. Donc, c'était l'ego. J'espérais, j'avais le goût, j'aurais aimé que... Bon, de plein. De déphasement entre la réalité et tout ce que l'ego aurait voulu avoir. Donc, à partir, il y avait l'ego. Par contre, tu peux avoir un désir intelligent de faire une chose, puis l'ego est content, parce que l'ego a le désir émotif de le faire, puis en même temps, il y a de l'intelligence de le faire. Bah, tant mieux, tu le fais, tu n'as même pas besoin d'instruire le cave de te laisser faire, il d'accord. Ça veut dire que quand tu es déçu, c'est que c'était sûrement pas intelligent? Non, quand tu es déçu, ça veut nécessairement dire que l'ego était aussi complice, c'était un des demandeurs. OK, mais pas nécessairement le seul, ça pouvait être. C'est ça, alors j'expliquais, okay. Tu peux avoir une demande faite par l'ego et par le mental, puis une demande exclusivement par l'ego. Je dois instruire mon ego de la réalité, ça va de soi, mais la réalité, c'est quoi? La réalité est extrêmement simple. C'est simple, la réalité. C'est tellement compliqué à expliquer comment c'est simple que ça n'a pas d'allure. La réalité. Tu es assis là, je suis assis ici. Ça, c'est une réalité. Très simple. Ben, si on parle des mondes parallèles, on n'est peut-être même pas assis là. Oui, mais la réalité du monde dans lequel on ressort l'observation pour l'instant. OK. Ça, c'est une réalité. La réalité, c'est très simple. Chaque fois que l'être humain observe une chose, il a la faculté d'en voir la réalité. La problématique, c'est que l'humain ne veut pas voir la réalité. L'humain veut toujours y voir que ce qu'il veut y voir, colore sa vision. Alors, je dois instruire mon ego de la réalité, mais la réalité, c'est quoi? On travaille, par exemple, avec un enfant. La réalité, c'est quoi? C'est que l'enfant est un être humain, au même titre que l'adulte. C'est pas un esclave. C'est un adulte qui est jeune pour l'instant. Ouais. C'est simplement un être humain. C'est tellement simple à expliquer la réalité que pour l'expliquer, il faudrait que je prenne des heures et des heures à donner un paquet d'exemples. Pourquoi? Parce que l'être humain est tellement, tellement, tellement féru de complexité. D'ailleurs, c'est pourquoi je fais un paquet de conférences avec un paquet de mots. C'est pour arriver à expliquer les choses simples. Puis quand on met les choses simples, très simples, avec une belle phrase, l'humain, il est là, waouh! Puis il tripe dessus, puis il répète aux autres, puis il lit souvent, puis il accroche son mur, puis dans son frigidaire. Mais pour le reste, on s'en fout, Bon. Alors, finalement, ça ne sert à rien de l'expliquer comme ça. La réalité, c'est que l'être humain doit simplement se fier à sa capacité d'intelligencer les choses. Chaque être humain est capable de le faire. En partant, il faut que tu exclues totalement ce que les autres vont penser de toi. Deuxièmement, il faut que tu exclues totalement la possibilité de faire une erreur. Parce que quand tu vois que tu as fait une erreur, ça te touche, c'est qu'il y a un concept que tu as dans ta crise tête qui pense que tu n'es pas correct. Clairez-lui avec, ce gars-là ou cette fille-là, une partie qui t'habite. Il faut que tu élimines totalement tous les blocages psychologiques qui t'ont lutté contre pour commencer pour voir la réalité. Être exactement, être instantané, être immédiat. Pour commencer, il y a des tests, des pratiques à faire. J'en ai déjà parlé. C'est une chose extrêmement vaste à expliquer. C'est tellement, tellement, tellement, tellement simple, simple, simple, simple, que tout ce que tu viens pour faire, que tu ne peux pas faire parce que ça sécrète endocrinement à l'intérieur, parce que psychologiquement, tu te mets à travailler une vitesse folle, parce que tu te mets à avoir une accélération cardiaque, parce que, etc. Tout ça fait partie de ce que j'appelle l'anti-homme. C'est le virus. Tout ce que tu fais contre ça. C'est-à-dire que tu viens pour faire une chose que tu ne peux pas, fais-la. « Ouais, on va peut-être perdre ma job, perds-la. » Dangereux, ce que je dis. Ben oui. Mais tu peux garder ta job, perdre ta vie. Ça, c'est plus standard, c'est moins grave. Là, on va dire que moi, je suis un danger public un peu moins grand, si je dis ça. perdre sa vie, ça, on est habitué. Perdre ta job, c'est autre chose. Ça ne veut pas dire de lâcher ton emploi comme ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses que l'humain doit faire. Il doit se servir du temps de sa vie. Et voir la réalité, c'est quoi? C'est commencer par éliminer tous les filtres. Il y en a une épaisseur absolument à abracadabra. Est-ce que les filtres peuvent être des réincarnations? Des réincarnations, on en a 24 heures sur 24. Les filtres, c'est ça. Faut que tu retournes d'où ils viennent? Ouais, tu retournes, tu es déjà en énergie, tu es casse, ou encore quand tu es réduit, tu passes à un autre. Tu n'inviterais pas chez nous. C'est un gars gêné, puis moi, je suis un gars gêné, tiens. Sois encore plus gêné. Pis c'est facile. On est tous attachés jusqu'en haut, là, dans les meetings. Là. Ça, je commence à détacher. Oh, tu deviens deux fois plus gêné. Puis moi, c'est ça. Sois gêné, là, moi, je vais me détacher. Tu sais, quand tu sors avec ta femme, puis que tu fais une connerie, puis elle est toute gênée à cause que tu l'as faite. Tu n'es pas gêné, c'est elle qui est gênée pour toi. Mm. Okay? Ça, là, je parle. On peut effectivement transférer des fils. Ils vont tous penser que c'est vrai, là. Ouais, mais c'est la même affaire avec la femme avec le mari. Ouais. C'est pour ça qu'elle veut plus sortir avec moi. Va-t'en dans un ascenseur avec ta femme, là, puis là, j'ai un gros pet quand c'est plein de monde. Elle va être gênée, pas toi. Ben, c'est sûr que si t'es gênée, elle sera pas autant. Mais. On va être gênée en sacré bleu. Oui, elle vit ton karma. Donc, ça supporte un peu. Intéressant. Ça, c'est une manière de le faire. Je dois instruire mon ego de la réalité, mais la réalité, c'est quoi? La réalité, ça ne se définit pas parce que la définition est déjà une coloration même de la réalité. La réalité, ça se vit, ça se perçoit. Ça se sait. C'est l'instantané. C'est l'instantané et ça veut simplement dire quoi? Bien, chaque fois que vous avez un phénomène endocrinien qui lutte contre vous, sachez que vous êtes dans le mensonge. On parle de mensonge. Peut-être dans la vérité, qui est la coloration de la réalité. C'est un mensonge poli, la vérité. Mais il peut quand même y avoir des fois où, il me semble, où tu aurais le goût de faire quelque chose, puis en dedans, ça te dit non, fallait pas, puis c'est peut-être intelligent que tu le fasses pas. Oui, aussi. Mais est-ce que ça dit non, fallait pas à cause que brrrr, se met à partir? Ça, c'est une manipulation astrale, ton anti-homme travaille contre toi. Si c'était un non, ça n'aurait pas d'allure. Parce que ça peut pas justement être l'ego qui t'enclenche, puis l'intelligence qui t'arrête à l'occasion. L'intelligence t'arrêtera pas pendant 5 minutes de dialogue mental sur la honte, la culpabilité, le péché, le ci ou le ça. Tu comprends? Alors, ça va être une raison logique. Là, l'ego peut lutter contre pour le faire, puis toi, tu veux pas le faire, ça va. Et si en plus, tu te mets à sécréter, il y a des choses extrêmement banales que l'humain peut se tester. La meilleure manière, de toute façon, pour arriver à évoluer, c'est quoi? C'est juste de se tester de temps en temps. Alors, tu te promènes sur la rue, et puis tu fais un peu comme Crocodile Dundee. Quand tu arrives sur un coin de rue, tu dis « Bonjour, monsieur, mon nom, c'est machin chouette, tu veux serrer la main. » L'autre, il va avoir peur, tu dis « Bon, essaye juste de le faire. » Quand j'étais un peu plus jeune avec une de mes amies qui travaille ici, on faisait ce genre de test. On avait un Kleenex, puis le soir, on attendait ces coins de rue. Quand les feux étaient rouges, on allait nettoyer les phares des automobiles. On ne demandait pas d'argent, rien, on passait en courant, on nettoyait. Là, les gars, ils partaient le lave-glace, ils klaxonnaient, ils savaient, bon, ils ont la peur en tabarnouche. Histoire de voir si on peut le faire. Là, tu vas te dire, oui, mais si la police, elle te voit. Ben oui, tu iras en cours, puis ils vont te poursuivre parce que tu as nettoyé les phares d'un char. C'est pas grand danger, franchement, c'est des mots de la petite raison idiote qu'on fait. Ça n'est pas ça aux États-Unis, tu pourrais être surpris. Non, au Japon, aux États-Unis, ils vont te tirer. Ouais. Mais on est au Québec, là. Ça va bien. Mais je parle de test. C'est évident qu'il ne faut pas qu'en sortant d'ici, vous commencez à vous emmener sur le métropolitain, laver les. C'est bon. C'est sûr. Si vous voulez tout faire ça, mon auto est en avant. Ce que je veux dire, c'est que l'humain doit de temps en temps se tester, se vérifier. Puis tu ne peux pas le faire, totalement manipulé. Puis ceux qui ont des enfants, c'est facile. Il faudrait faire comme on était. Je vais acheter ça! Tu n'y réponds pas. Puis là, ça travaille, on est donc. Ben, c'est ça l'anti-homme. Il n'est pas ton maître. Là, il fait une crise. Ben, prends-la, déballe-la, puis écrase-la en face, s'il est assez jeune. Tu prends ça à la menthe, tu sais, la palette, tu sais, rose-main. Vérifie-toi. L'enfant, s'il est bien jeune. Si tu as un enfant nouveau, tu écrases-la en face, ça ne le dérangera pas. Il va en profiter pour manger. Il va aller, peut-être. Il va manger. Mais ce que je veux dire, c'est que l'humain doit prendre se servir des situations de sa vie pour se vérifier. Il faudrait réagir comme quand on était enfant, sans se poser de questions, comme qu'est-ce que lui fait. Il fait une crise, faisant une. C'est sûr que si tu en fais une, il n'en fera plus jamais une de magasin parce qu'il lui avec, il est programmé. Prends le cash, il te pitch à terre. C'est la crise au propriétaire du dépanneur de mettre les chocolats à sa hauteur. Je veux ton cerveau à quête. Alors la réalité, c'est qui est. C'est d'observer si c'est l'ego ensuite, si c'est intelligent. Si c'est intelligent, même si l'ego est d'accord, on le fait. Simple. Il y a des gens qui n'ont pas encore compris l'idée même. C'est intelligent, mais en même temps, chaque mon ego aimerait ça, fait que je le fais pas. C'est pas ça, faut que tu luttes contre. C'est intelligent, ton ego veut pas que tu le fasses, fais-le. C'est intelligent, ton ego veut que tu le fasses, fais-le. L'intelligence doit dominer. Puis lui-même va dire, oui, mais c'est moi, j'ai pas suivi de cours. Bien, d'un cours, t'apprends à être intellectuel, t'apprends à être cultivé. On te met dans un jardin, on t'arrose de notions, puis on te cultive. Tu deviens un être humain cultivé. Mais ça n'a strictement rien à voir avec l'intelligence. Là, t'es comme tout le monde. On a coupé une pétale là, une sépale là, on met du pistil là, on fait passer une abeille dans l'eau. Ouf, c'est cultivé. C'est tout à peu près pareil, puis c'est standard. Quand t'as un plan qui est différent, bien, normalement, on le met de côté. Sauf que l'être humain, ses racines, c'est des jambes, il peut revenir. Ses racines, c'est une gueule, il peut crier. Il peut protester, il peut pancarter, il peut faire bien les choses. C'est l'humain qui... Bon, est-ce que c'est intelligent, est-ce que c'est égoïque? Si c'est intelligent, fais-le. Si c'est intelligent, puis ton anti-homme fait tout pour t'empêcher de le faire. L'anti-homme, c'est le virus. C'est intelligent, puis ton anti-homme travaille contre toi. C'est que si tu le fais, tu mutes le corps pour que la conscience vienne t'habiter. Si tu ne le fais pas, l'anti-homme gagne. Alors l'être humain doit... On commence lentement. Ça sert à rien en une journée de vouloir tout faire contre l'anti-homme. C'est malade. Mais de temps en temps, on doit faire un peu plus que c'est comme de la gymnastique. Tu as de la difficulté. Trouve-toi-en des épreuves. C'est facile de trouver des épreuves. Tu n'as jamais été dans un bordel. Pas dans un bordel, disons, parce que ça peut être dangereux. Il y a des problèmes aujourd'hui. Tu as des virus pas mal pire. C'est ça. Pire, non. Pire, non. Non? Non. Socialement, très intéressant, ça mais pire, aide non. Pas, en tout cas. Non, pire, non. Mais tu vas dans un bar topless, hein, pour aller voir ce que ça donne. Et tu dis, ouais, mais crème, d'un coup, mon voisin est là, puis tu le vois. Toi aussi, tu vas le voir, ton voisin. Le pire, c'est de voir ta voisine. Mais les tests, il y en a plein de tests faciles. Puis l'humain va dire, ouais, mais t'es niaiseux. Arrête sur le bord du chemin. Sécuritairement. Puis là, tu changes ton pneu. Pour rien. Pas besoin d'avoir de crevaison. Pas pour rien. Pas pour rien. Pas parce que t'as pas besoin d'avoir de crevaison, changer ton pneu. Mais tu changes ton pneu. Pourquoi? Pour changer ton pneu. Pour avoir une raison pour être en retard parce que t'allais au temps plus. Non. Ça, c'est avec l'ego qui travaille et l'astral qui travaille. Avec l'idée de dire pour rien, bon, ben, d'abord, continue d'en vivre pour rien, finalement. C'est pareil. Changer la roue, histoire de voir si ton ego, comment il va réagir, puis histoire d'être ton seul maître pendant qu'il va le faire. Puis après ça, quand il s'est trouvé pas mal niaiseux, tu rembarques dans ton char, ben là, tu dis, je jure que jamais plus que je vais encore le recommencer, là, c'est pas prêt. Là, tu gagnes. Mais ça coûte pas cher, faire ça. Et là, à un moment donné, tu décides, bonsoir, change encore ma roue. Tu sors, il pleut. Change ta roue, pareil. C'est simple. C'est même qu'on forme des élites, des maîtres. Pas des maîtres des autres, des maîtres de soi. Ton ego va finir par arrêter d'être dans tes cannes. L'ego, c'est le virus. Donc, l'entraînement d'intelligence va passer. Puis l'humain extrêmement égoïque va dire, oh là là, M. Kerr, l'intelligence va descendre parce que je change mon pneu quand j'ai pas de plat. Ouais, ça plaît ça. Ça paraît extrêmement con, extrêmement, ça plaît ça. Simple, ça plaît ça. T'es-tu capable, à un moment donné, dans un restaurant, de manger ta napkin, de la sortir, de la mettre dans ton assiette, puis attendre? Hé, tabarnouche! Peut-être va pas au restaurant où tu vas régulièrement, mais c'est une extrêmement bonne expérience initiatique. Ouais. On parle des napkins qui ne sont pas en couleur, puis des toxiques là-dedans. Mais ça, c'est de l'expérience initiatique. Là, l'humain qui mange ça, tout le monde la regarde. Il y a une nuance. L'humain qui mange ça, il est content que tout le monde la regarde, lui, il faut qu'il ne mange plus. Là, il est perdu. Parce que astralement, subtilement, il se fait récupérer. Il faut que ça le dérange. Quand ça ne te dérange plus, fais-le plus, il n'y a plus de raison initiatique de le faire. La vie, elle sert à ça. C'est simple. Très simple. Est-ce qu'on peut dire qu'on veut faire ressortir, il faut que l'enfant ressorte? Parce que ce que tu dis là, c'est de s'amuser un peu. Ben oui. Ben pas un peu, pas mal. Ben, ton enfant, il fait... Bon, le jeune, je te parlais tout à l'heure, qui est problématique. Il est jeune, j'ai 6-7 ans, et les parents l'amènent au restaurant. La serveuse, elle vient. Là, tu la regardes en pleine face, il a 6 ou 7 ans, puis qui dit, « T'es bien laide, toi! » C'est vrai qu'elle est pas belle. Oui. Toi, tu fais pas ça parce que t'es ajusté. Ça sert à rien de créer des problèmes sur la planète. Par contre, lui, le dit. Bon. Lui pourrait manger sa napkin. Alors, si on lui fait manger sa napkin, puis que toi, t'es le parent qui était avec, tu regardes ton jeune de 6 ans manger sa napkin, la manger au complet, la mettre en masse de salive, la remettre après ça sur la table, faire demander un autre à la servante, puis elle mange après, puis elle remet là aussi. En tant que parent, tu fais quoi? On peut t'en prendre une coupe. Si t'es un parent conventionnel, tu prends une napkin, puis tu... Non, si un parent nouveau, un parent intelligent, tu prends une napkin, tu la bouffes tout aussi. Tu peux être sûr que ou bien vous allez rire en maudit toi deux. C'est dur pour un adulte, c'est absolument incroyable. Vous voulez manipuler n'importe quel adulte, c'est tellement programmé et tellement stéréotypé, encarcané dans sa psychologie, l'adulte. Bon, allez n'importe où, puis faites n'importe quoi, vous allez voir, c'est facile. Vous pouvez même faire un test où vous prenez une chose, vous faites une manipulation particulière. Mange ta napkin, puis regarde les gens. Va dans n'importe quel restaurant, tu auras toujours le même genre de réaction. Après ça, ôte ta fausse moustache, ta fausse perruque, puis viens te rasseoir, ils vont parler de ça. Bon. L'être humain, l'adulte est manipulable. L'enfant s'amuse, c'est un vrai parc, un vrai terrain de jeu, à jouer avec l'adulte et le manipuler. La problématique, c'est que quand l'enfant commence à grandir, il finit lui aussi, comme l'adulte, par développer l'idée du pouvoir. Il embarque dans le jeu. Il n'est pas son seul maître, mais il est le maître en maudit des autres. Puis là, on va dire, ouais, mais tu ne leur fais pas faire ce que tu veux. Il dit, non, mais je le fais faire, je leur fais faire ce qu'ils ne veulent pas. Puis pour l'enfant, même s'il ne peut pas te manipuler à lui donner 50$, tu vas payer pour. Tu ne veux pas payer pour, tu vas payer pour. Il peut au moins te faire faire ce que tu ne veux pas faire. Il y a une grande part des choses, même s'il n'arrive pas à te faire faire tout ce qu'il veut que tu fasses. Alors, si tu finalement, tu agis en être intelligent, ben c'est pas long que l'enfant. Tout ce qu'il y a, c'est que le jeune doit absolument détecter si vous voulez faire affaire avec un enfant sans être trop manipulable. L'enfant doit savoir qu'il ne fait pas affaire avec un adulte. J'ai rencontré, m'a donné un jeune ici en bas, puis c'est ce qui s'est arrivé. La première chose que je lui ai dit, j'ai dit, là, je te parle, puis tu me regardes comme si j'étais un adulte. Je ne suis pas un adulte. Là, il n'a jamais dit ça. Fait que là, il ne savait pas s'il devait me croire ou pas. Qu'est-ce que tu es? Tu n'es pas un adulte vis-à-vis de lui? Comment tu te présentes? Il ne m'a pas posé la question. Je n'ai pas besoin de répondre. Ça fait quelque chose. Mais il s'est rendu compte que je n'étais pas un adulte. Un adulte, c'est une caisse. C'est pas bien compliqué. Avec une poignée en arrière. Avec plusieurs poignées. Ils ont même, quand même des roues. Comme parent, ça me permet de voir mon ego dans toute sa subtilité. La pire culpabilité de mon ego, c'est pourquoi m'en égoïser avec des enfants. Je ne vois pas l'intelligence des réactions de mon ego face aux enfants. Est-ce qu'il y en a? Des réactions intelligentes de l'ego face à quoi que ce soit, la seule raison intelligente qu'il y a, c'est que l'ego, en réagissant, engendre des expressions dans le corps physique, des expressions endocriniennes qui se font sécréter des hormones, et les hormones transmutent le corps en le rendant de plus en plus résistant. C'est transmissible génétiquement à travers le temps, et c'est ce qu'on appelle la cellularisation, et c'est ça qui fait en sorte que le véhicule, que le scaphandre s'améliore à travers le temps pour qu'à un moment donné, la conscience puisse l'habiter totalement. Alors, il n'y a, aucune raison intelligente à partir même de la frustration de l'ego par rapport aux enfants. Par contre, l'individu, bien souvent, l'individu en arrive à un moment donné à un point où il veut se conscientiser, où il veut évoluer, où il veut prier Dieu, où il veut devenir supramental, où il veut devenir un élite, un surhomme, n'importe quoi, surfemme. N'importe quoi, mais il veut s'améliorer, il a une idée, il veut devenir un extraterrestre, puis se faire sauver par un extraterrestre, même s'il faut que ce soit le balayeur, la soucoupe volante. Bon, il a une idée, ça va. La problématique, c'est que dans cette idée-là que l'adulte ou que l'humain peut avoir, il va chercher des façons de parvenir à son but. Puis toutes les conditions de la vie sont en plein les façons de parvenir au but. Il y en a qui vont être initiés par un maître. Il y en a qui vont être initiés par des expériences extrêmement particulières de la vie. Des expériences qui vont faire en sorte que la gang, le collectivisme, peuvent être jaloux. Ah ouais, mais c'est parce que toi, tu as eu la chance de vivre. Non, parce qu'il y en a plein qui vivent la même chose, mais ils n'ont pas la conscience de comprendre, ce qui fait qu'ils ont finalement, ils ne se passent rien. Avec des enfants, si tu as un enfant, tu es pris avec un enfant, bien, profite-en donc. Ça peut être un magasin d'automobile, ça peut être ta maison qui tombe en morceaux, ça peut être tu gagnes à la loterie. Quels que soient les événements de la vie, il y a toujours un événement qui va venir chez vous faire sécréter des hormones. On appelle ça le plaisir, le bonheur, on appelle ça le malheur, le déplaisir. Quelle que soit la forme émotive, négative ou positive, les deux sont négatifs. Mais l'humain se plaît d'un côté. Pourquoi? Parce qu'il se détruit d'une façon qui est standard. Puis il y a un autre côté où il se détruit d'une façon qu'on appelle pathologique. Alors, quand on se détruit, tout le monde ensemble pareil, c'est le bonheur. Bon, vieillir avec nos voisins, puis les connaître longtemps, puis on vieillit tout le monde ensemble, c'est bien. C'est pour ça qu'on place les personnes qui se disent âgées dans des maisons, où tous ceux qui se disent âgés sont placés là, puis là, ils peuvent continuer à se dire plus âgés ensemble. C'est le bonheur. Par contre, lorsque l'être humain est obligé, lorsque l'être humain vit des situations où il vieillit d'une façon qui n'est pas collectivement reconnue, on appelle ça le malheur. D'où les mauvaises et les bonnes émotions. Parce que le plaisir en faisant l'amour, longtemps, ça a été culpabilisant et c'était dangereux, il fallait le faire pas en avoir. Collectivement, il ne fallait pas en avoir. Quand les... pas les prêtres, enfin, quand les gens ont commencé à avoir du plaisir faisant l'amour, bien là, c'est devenu standard, puis finalement, c'est devenu un plaisir. Bon, mais c'est la même émotion. Manger trop, etc. Il y a un paquet de vices avant qui étaient des vices, puis c'était dangereux, puis et qu'on souffrait, puis maintenant... Bon, ce sont des émotions et ça démolit le corps physique. Étant donné qu'il y a une sécrétion endocrinienne, une sécrétion au niveau du corps physique, notre être humain qui désire quoi que ce soit, nécessairement, il va vivre au niveau de son ego, son désir, et par la suite, il va être obligé de se transformer. Plus il va se transformer, il aura le but qu'il voudra, il va comprendre des choses. Si l'être humain comprend des choses, nécessairement, il doit s'arranger pour les appliquer quotidiennement 24 heures sur 24, ce qui, au nom du collectivisme, n'est jamais fait. Juste une petite parenthèse. Quand j'avais 6-7 ans, j'avais compris des choses. À 8-9 ans, j'avais compris d'autres choses. À 10-11 ans, d'autres choses. À 13-14, etc. Et puis, à 14 ans, je me rendais compte que je comprenais plus qu'avant, plus qu'à 9 ans. Mais je me suis rendu compte aussi que ce que j'avais compris à 9 ans, je ne le mettais plus en pratique à 14 ans. C'est toujours bon. Alors, j'écrivais des cossins, parce que je donnais des cours. Hein? Bon, tout ça. Et puis, à un moment donné, je retrouvais les vieux papiers. Tu vas finir par être bon, quand tu vas être vieux. Allons, là, c'est ça. Ramasser mes vieux papiers, puis là, je disais ça, puis tabarouette, ça avait de l'allure. Sais-tu qu'un être humain apprend des particules d'information tous les jours. Et après un laps de temps qui s'échelonne entre 15 et 20 ans de vie, certains un peu avant, mais disons 15 et 20 ans de vie, il a suffisamment de data, de données, d'apprentissage, pour devenir un élite, un surhomme, un homme nouveau. Problématique, c'est qu'il veut aller chercher encore. Mais il met vraiment en pratique ce qui est en bas. Il veut aller chercher plus. Et ce aller chercher plus est paramétré par l'âme, par l'ego, par le virus, qui lui est constitué de la mémoire expérientielle de l'individu et des mémoires expérientielles génétiques familiales. Et lui, il est insécure parce qu'il ne peut pas englober l'univers. Et pour être sécurisé, il doit connaître. Alors, tu amènes la personne dans un lieu où qu'elle ne connaît pas, puis dans le début, c'est un petit peu, bon, puis quand elle le connaît bien, ben là, ça va bien. Tu l'amènes devant des invités qu'elle n'a jamais vus, dans le début, elle est un peu, là, prend son temps, puis finalement, lentement, elle finit par les connaître, plus elle les connaît vite, plus elle y va. Tout le temps comme ça. Alors, l'être humain, l'âme, le virus, au niveau de l'évolution, c'est la même chose. Tu apprends une chose, tu viens pour l'appliquer, mais lui, il l'a appris. Maintenant qu'il l'a appris, il peut poser de nouvelles questions, mais ce qui est important pour l'âme, c'est pas d'appliquer, ça n'a strictement rien à voir, c'est sa sécurité qu'il recherche. L'argent chez l'humain, c'est pour amener de sécurité à l'âme, la nourriture, bien souvent, c'est pour apaiser l'insécurité de l'âme, les enfants, c'est souvent la même chose, sécurité de la réincarnation, inconsciemment ou inconsciemment, la majorité de ce que l'humain va faire, sécurité au niveau de l'ego. Même l'évolution, dans la majorité des cas de l'être humain, n'est qu'un passe-temps qui sert à nourrir une partie de la nourriture sécurisante de l'ego. Fait que tu empiles des 2x4 puis tu ne bâtis jamais ta maison. Exact. Finalement, tu as tellement de 2x4 que tu deviens un vendeur de 2x4, on appelle ça un sage. Bon. L'humain, si l'humain applique, si l'humain, à un moment donné, décide de faire le choix de l'intelligence, d'appliquer ce qu'il est. Bon, je donne un exemple. On va manger des napkins tout le monde ensemble ce soir chez au magasin Saint-Hubert. Bien, on va faire sécréter des hormones sur toute la gang au personnel. Oui, oui. Il y en a quelques-uns qui vont oser nous poser une question. Puis là, on leur répond simplement, « Non, j'ai pas mâché de ma petite, mais... » Là, ils vont chercher les caméras. L'humain veut sécuriser comme qu'il peut, il va essayer de trouver une raison logique, selon lui, au phénomène. Et puis une fois qu'on a tout mâché de la petite du restaurant, on s'en va parce qu'on n'a plus faim. C'est sûr que ce serait extrêmement intéressant. Mais l'idéal, c'est de le faire seul. Ouais. Ça, c'est l'idéal. Parce que si tu es déguisé quand tu le fais, c'est probablement toi qui le fais. Si tu es en groupe, des fois, tu es déguisé. Oui. Si l'humain décide d'appliquer... Tu sais, quand je dis qu'il y a des choses extrêmement simples, ben c'est ça. Alors, dis-moi pas, ouais, ça veut dire ça, que le pygmée en Nouvelle-Guinée, s'il mange une napkin, il va évoluer. Non, ça ne le dérange pas, lui. Non, ça n'a rien à voir, c'est pas son plan de vie. Ça va être délicieux, la napkin, peut-être. Ouais. Il y a peut-être un peu de sauce au poulet dessus. En plus, napkin usé, évidemment. Évoluer, c'est simple, simple, simple, simple, ça m'a toujours fait rire, tellement c'était simple. Et j'ai toujours vu que ça faisait peur aux autres. Lorsqu'un être humain reçoit le Seigneur en lui, il se produit un changement dans sa vie si celui-ci l'accepte. Voulez-vous m'expliquer le phénomène, car cela m'est arrivé dernièrement et c'est réellement un bienfait. Bon. Oui, je peux vous expliquer. Premièrement, le terme « Seigneur » vient du fait que le Nazaréen était crucifié. On l'a appelé le Seigneur parce que ça fait nier. Bon. Ben, on adore le Seigneur. Il, normalement, il est sur une croix, crucifié. Le Seigneur. Logique. Lorsque l'être humain reçoit le Seigneur en lui, il se produit un changement dans sa vie si celui-ci l'accepte. Ça, c'est absolument évident. Il se produit un changement si celui-ci ne l'accepte pas, de toute façon, et il se produit un changement nécessairement si celui-ci l'accepte. Ici, la personne fait référence au Seigneur, on fait des farces, mais... Enfin, oui. Un peu. De qui on peut parler? Du Nazaréen, de Jésus, de Jésus-Christ, du Seigneur? Quelle est l'entité ou du Christ? Quelle est l'entité? Quand un individu reçoit le Seigneur chez elle, c'est Jésus-Christ. OK. Ou l'idéologie qu'on se fait appeler le Christ. Ou Jésus. Et le Jésus ne donnera... Quand la personne reçoit Jésus chez elle, elle n'aura absolument pas la même transformation dans sa vie que si elle reçoit Jésus-Christ. Et si elle reçoit le Christ, elle n'aura absolument pas la même transformation dans sa vie que si elle reçoit Jésus ou Jésus-Christ. Quand on fait référence au Seigneur? Le Seigneur, c'est un autre. Le Seigneur, c'est dans l'idée même du Seigneur, si on emploie le terme, ce n'est ni Jésus, ni Jésus-Christ, ni le Christ, ni le Nazaréen, qui vient d'investir la conscience amique, l'âme, d'une personne. Le Seigneur, c'est un être qui a la faculté de diriger des troupeaux, et donc le Seigneur, qui est une forme de roi, mais qui n'est pas la plus haute autorité. C'est un seigneur, mais ce n'est pas le roi. Et qui a cet être-là dirige l'humain d'une façon bénéfique, noble. D'une façon pacifique, d'une façon altruiste, en l'amenant lentement vers Jésus. Pas vers le Christ? Non. Jésus est un être qui va avoir la faculté de diriger les mêmes troupeaux et les amener lentement vers Jésus-Christ. Lorsque la personne reçoit Jésus-Christ chez elle, elle va être animée d'une façon différente, elle va comprendre le monde différemment et lentement, elle va être acheminée vers un autre être qui s'appelle le Christ, qui va maintenant prendre possession, ou disons venir s'allier à la conscience de l'âme de l'individu. Le Christ, c'est là que les problèmes vont commencer. En réalité, c'est des problèmes qui ne sont pas problématiques pour le Christ, pour l'individu. Et le Christ va commencer à instruire en neuf l'individu. Le Seigneur ne t'amène rien de neuf. Par contre, il peut t'amener une union vibratoire astralo-vitale avec d'autres individus qui deviennent pacifiquement évolutifs. Ça élimine une partie de la souffrance. C'est astral. Est-ce que le Seigneur serait relié au plan bouddhique? Non. Suite à cela, le Seigneur, lentement, va t'amener dans les mains de Jésus, qui va te faire prendre conscience un peu plus de ton état d'être humain à travers l'idée. Oh, le Seigneur aussi, tu vas dire, oui, mais je suis quand même un humain, mais je baigne dans... Bon, mais là, Jésus est un petit peu différent. Lentement, Jésus t'amène à Jésus-Christ, où là, tu vas continuer à comprendre plus facilement les traditions, l'intelligence dans la tradition, que le Seigneur, lui, te donne une complaisance dans la tradition. Et finalement, tu vas arriver au Christ, et là, le Christ va t'instruire de choses neuves. Et les choses neuves qui vont commencer à sortir vont faire en sorte que tu vas finir par te retourner et dire, « Hey, le Seigneur, mais je me suis fait fourrer. » Puis là, tu vas te retourner, tu vas dire, « Crime, Jésus. » Puis Jésus-Christ, « Moi, ça n'a pas d'allure, comment j'ai pu être? » Là, tu es avec le Christ. Et là, tu vas crisser ton camp de toute la tradition avec le Christ. C'est l'énergie nécessaire pour. Et tu vas passer à une étape qui est beaucoup plus christique. Nazaréen. L'étape supramentale. Le Nazaréen, tu ne pourras pas y toucher. À l'étape supramentale, où là, tu vas te dégager totalement du phénomène christique traditionnel. Et là, tu n'es plus manipulable par aucune force de tradition. Tu es même capable maintenant d'amender la tradition, de changer des choses de parler, d'amener des choses neuves, de répondre, tu deviens ton seul maître. Maintenant, voulez-vous m'expliquer le phénomène, car cela m'est arrivé dernièrement et c'est réellement un bienfait? C'est évident que c'est un bienfait. La seule chose qu'il y a, ce sont des étapes. L'individu qui reçoit le Seigneur chez elle reçoit un égrégore, un phénomène mémoriel, hautement énergétique et hautement spirituel, qui vient énergiser son ego, de façon bien souvent à mettre du baume sur le cœur. Tels seront les termes employés par beaucoup de gens. Le Seigneur va te faire cheminer dans une conscience où tu vas souffrir un peu moins et où tu vas reconnaître l'individu d'une façon... vibrer l'humain d'une façon différente. Ils seront moins des animaux. Alors que tu te rapproches de l'entité Jésus, qui était un être humain, chez Joshua, fils de Joseph, qui a reçu l'intelligence christique pour devenir le Nazaréen temporairement à l'échelle planétaire. Donc, tu vas mieux vivre avec l'humain. Par la suite, tu vas arriver à attacher, comprenant l'humain. Tu vas commencer à découvrir la conséquentialité. Et lentement, tu auras un attachement d'un ajusteur de pensée. Appelé Esprit Saint, mais c'est la même affaire. Un ajusteur de pensée qui va donc t'amener un phénomène christique qui est ton intelligence, la conscience dont je parlais tout à l'heure, qui a engendré la création des scaphandres dans les mondes froids. Alors, tu auras donc maintenant ce phénomène de l'intelligence qui va commencer à venir par l'intermédiaire de Jésus, engendrer chez toi une espèce de complémentarité entre le véhicule scaphandre et l'âme et l'intelligence, ce que Jésus a vécu. Par la suite, tu deviens Jésus-Christ. C'était l'assemblage christique, donc intelligence supramentale, et le phénomène humain. Par la suite, lentement, le phénomène Jésus va digérer le phénomène christique, et au lieu d'être simplement le Fils du Père dans le ciel, en étant Jésus-Christ, tu deviens le Fils du Père dans les cieux, et comme le Nazaréen, enfin, comme Jésus l'était à un moment donné, et un peu plus loin, quand tu deviens le Christ, tu n'es plus le Fils. Tu n'es peut-être pas le Père, mais tata, tu ne vends plus de rien rendu à ce niveau-là. Et lentement, le phénomène christique, l'ajusteur de pensée, va venir placer les choses, il y aura des mutations corporelles, et tu vas devenir cet ajusteur de pensée, tu vas le fusionner. L'ego va commencer à se négoïser, donc le virus va commencer à décamper. L'énergie que le virus a employée pour te manipuler va devenir un autre scaphandre temporaire dans le plan moronciel, pour t'éviter de gagner le monde de la mort lorsque ton corps physique, si ton corps physique va être désagrégé, ça engendre donc un double éthérique. Et finalement, si ce qui va arriver, étant donné que tu es totalement christique, tu vas devenir ton père lorsque le double va se fusionner à ton corps physique. On suit le cheminement. Parlant de ça, je vais sauter quelques questions, je reviendrai, parce que la mort de Félix Leclerc a-t-elle une signification symbolique pour le Québec? Je suis sûr qu'on me le demanderait, parce que ça devient une mode, à un moment donné, les... Moi, j'en aurais une autre qui n'est pas... Réponse à de là, j'en ai une après. Non. Tu ne peux pas y répondre? Non, l'âge qu'il y avait, c'était symbolique qui m'a. Quand quelqu'un décède de populaire, de connu, on entend beaucoup d'émissions... Et Félix, c'est un génie. C'est pas symbolique, ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup de personnalités qui sont mortes dernièrement, qui se sont réincarnées presque immédiatement à travers la population du Québec. Mais pas lui, pas de la façon dont il a procédé. Voilà pourquoi je dis. C'est pas vraiment dans ce qu'il a compté en chanson, etc. C'est évident que le gars, c'est un génie. La façon dont il a vécu d'une façon suffisamment égoïque, c'est évident que c'est un génie. C'est pas un con. C'est même bonhomme intéressant. On trouvait brillant de la façon dont il s'est... Après ça, pas d'exposition, brûlez-moi. Pas de tétage. C'est ça que je voudrais que tu expliques. Ben, tu poseras des questions. OK. Après ça, cérémonie hyper fermée. Sa famille qui a lâché, ils ont laissé rentrer les mélus, ce qu'il lui voulait pas. Comme quoi, la tradition est puissante. Son testament, c'était ça. Mais malgré ça, la famille a fini quand même par s'expandre à l'extérieur. Le gars était tellement pur et sain que c'était trop pesant pour l'humain conventionnel, puis il a fallu qu'il partage. Puis en même temps, bon, on s'est amusé à faire une cérémonie ailleurs, là, où tous les fiefs et coquins sont venus se présenter. Mais l'idée qu'il y avait... En tout cas, je ne sais pas si c'est l'idée qu'il y avait, mais l'idée que je pense qu'il y avait, c'était de se faire brûler puis de se réincarner dans ses membres plus proches, de se réincarner entièrement dans sa famille et non être dissous dans l'assemblée. Ça ne se dit pas, mais finalement, oui. C'est juste ça que je voulais savoir. Je dis que c'est un génie. C'est vraiment... Il y a bien des gens comme ça qui... Contrairement à René Lévesque, René Lévesque s'est fait voler, lui, je peux dire. Oui, mais lui, c'était prévu, c'était convenable, c'était correct. Mais il s'est dissous dans la foule, puis... Oh oui, mais ça ne dérange rien, ça. La foule, maintenant, il la manipule un peu plus. Mais ça, c'est son âme qui s'est dissous. L'esprit est libre pareil. On parle simplement du facteur de l'âme. Pas grave. Le film « The Last Temptation of Christ », La dernière tentation du Christ. Oui. Correspond-il à une réalité de la lutte entre l'ego de Jésus et le Christ? Et ce film a-t-il un rôle dans notre évolution? Si oui, lequel? Bon, effectivement, il y a de temps en temps des choses. Dernièrement, je parlais d'un film qui était Damien Omen 2, donc La malédiction finale, où on avait Damien qui est l'antéchrist, qui, à un moment donné, voit le Seigneur, justement. Et puis, donc, il parle à une croix avec une statue dessus. Et lorsqu'il commence à parler contre lui, il l'appelle « Toi, Nazaréen! » Il portait à Nazaréen, seuls les initiés en toi ce mot. Habituellement, on l'appelle Jésus, Jésus-Christ, Christ, etc. T'sais, normalement, le film, si c'est un film qui est conventionnellement fait, on n'aurait pas dû dire Nazaréen. Donc, le scénariste qui a fait le film était manipulé ou instruit de choses. Le film « La dernière tentation du Christ » est un film qui ne révèle pas la vérité telle qu'elle s'est passée, mais effectivement, c'est un film qui présente exactement la tentation entre le phénomène Jésus, qui a reçu des promesses du phénomène christique, puis une scission. C'est un film qui est... c'est évident qu'il y a un rôle ésotérique, un rôle occulte à jouer au niveau de la conscience de l'homme, parce que même si l'humain est contre ce qu'il va voir dans le film, bien, ça vient pilonner le monde de la mort, donc l'astral, et ça laisse des bribes mémorielles dans la conscience des égaux qui vont voir le film et qui vont l'entendre parler. Et à un moment donné, lorsque le Christ voudra travailler un peu plus, eh bien, il pourra se servir comme base de certaines mémoires, en l'occurrence des mémoires de ce genre de film. L'ego peut-il être dans la pensée? Peut-il s'y cacher à l'insu de ma conscience? L'ego ne s'y cache pas à l'insu. L'ego est totalement à la pensée. Par contre, l'ego s'instruit que la pensée, c'est la conscience. Alors, je ne veux pas trop élaborer. J'ai fait énormément de conférences sur le phénomène. Moi, tu as des questions directement là-dessus. J'ai fait énormément de conférences sur ce phénomène-là de la pensée. Dernièrement, on a fait une qui était relativement longue. Je ne sais pas si tu te souviens du titre. L'atome? C'était pas l'atome. On parlait de la réflexion, on parlait de la pensée, de la manipulation. C'était pas le libre-arbitre. C'était pas un rapport au libre-arbitre. Le libre-arbitre existe-t-il? Bon, alors, je crois qu'on peut se référer à cela. Le libre-arbitre existe-t-il, justement? Il n'existait pas, finalement, pour la conclusion. Moi, ça, il pourrait exister. À quoi qu'il y en a carrément question. Et c'est là-dedans, justement, qu'on parle de cette pensée, etc. L'ego peut-il être dans la pensée? C'est totalement la pensée. La pensée, c'est le véhicule que va se servir les investisseurs de l'homme, c'est-à-dire le monde de la mort, donc les divinités, les égrégores, les archétypes, etc., la mémoire atomique de notre planète, pour venir s'immiscer à l'intérieur du scaphandre du corps physique de l'homme. Et ça vient émettre dans ce corps-là des suggestions. Et la façon dont une pensée manipulatrice traverse la conscience de l'homme, c'est toujours avec les mots-clés « je » ou « moi ». J'ai faim. Alors, même si on n'a pas faim, vu qu'on vient de se faire dire « j'ai faim », puis que « j'ai », c'est nous autres, donc c'est évident qu'on a faim, c'est qu'on mange, même si on n'a pas faim. Alors, ton estomac est plein, ta bedaine est pleine, t'attaches la ceinture, puis tu te dis « maudit, ça a l'air bon, je pense que je vais en prendre encore ». Tu t'en veux plus, c'est réglé. Mais t'es pas un fou. Tu penses que tu vas en prendre encore, donc t'en veux encore. Mais c'est juste avec le mot « j'ai ». Alors, la pensée chez l'homme, on a fait l'expérience souvent comme quoi ça valait rien. C'est de la manipulation. C'est par là que le facteur manipulatif rentre totalement. L'homme qui se conscientise ne pense plus. Il parle. Il parle dans sa tête, il parle oralement. Tandis que l'être humain qui est en phase de conscientisation, soit l'homme ancien, la femme ancienne, l'enfant ancien ou encore les individus transitifs, parle un petit peu, pas beaucoup. Il parle juste assez pour se culpabiliser, pour saillir, puis pour se trouver encore plus lié qu'il était avant, puis etc. Bon, il parle pour ça. C'est mieux sa tête. Oui, sauf que c'est par la parole qu'ils vont se développer. Et ils vont penser dans leur tête et aussi penser tout haut. Ce n'est pas de la parole. L'individu, donc, qui est assujetti au phénomène de la pensée, lorsque je fais des conférences, je ne pense pas. S'il faudrait que je pense, je ne pourrais pas répondre aux questions à l'œuvre qu'on m'amène. Parce qu'ils ont, je vous dis, amenez-moi des questions sur n'importe quel sujet, et c'est vrai aussi, que ce soit un sujet d'astrophysique, de chimie, de n'importe quoi, pour la simple raison que tout ce que j'ai à faire, c'est de donner des réponses. Et comme ça ne me dérange absolument pas le genre de réponse que je vais donner, c'est-à-dire que j'ai pas un ego qui vérifie si ça va plaire ou si ça a de l'allure ou pas, parce que depuis 4 ans, si je me serais pas permis de dire n'importe quoi, j'aurais pas fait beaucoup de conférences. Alors maintenant que je peux me permettre de dire n'importe quoi, nécessairement, je n'ai pas besoin de filtrer, donc je n'ai pas besoin de penser. Tu me poses une question, je te réponds immédiatement. S'il faudrait que je me mette à penser, ben alors il faudrait que je colore ce que j'ai à dire. Ce serait traditionnaliste, ce serait partir d'un livre que j'ai lu, de ce que j'ai appris par-ci. Et puis finalement, ben non, je n'amènerai rien de neuf et puis je serai tout à fait conventionnel. Ce qui n'est pas intéressant du point de vue. Dans une conférence, un bon bout de temps, la puissance du nom, tu mentionnes là-dedans que l'individu doit être utiliser son nom pour faire des prières. Par exemple, que c'est la clé de la puissance. Ben oui, c'est la clé pour manipuler. Quand tu nommes ton nom, moi j'ai essayé souvent, on finit par s'habituer en se pratiquant, mais quand on nomme son nom à haute voix, les premières fois, ça shake en dedans. Pourquoi ça? Tu sais, quand je faisais, bon, regarde, j'ai quelques séminaires que je donne, et à un moment donné, je demande à tous les gens de se placer, de prononcer leur nom. La personne, elle n'a jamais appris à se... Je parle du prénom, surtout. Nommer, exactement. Je suis Daniel. Pour beaucoup, c'est je suis une lavette. C'est ce qui sort. La personne, elle n'a pas la faculté de prononcer son nom. Comme j'expliquais à un moment donné, qui es-tu? Ah, je m'appelle Daniel. Je suis Daniel. Pourquoi? Parce qu'effectivement, l'être humain est le paramètre énergétique qui est laryngisé sous le phonème Daniel ou Charles ou etc. Quand l'individu commence à nommer son nom, nécessairement, c'est le mental qui va prendre le dessus. Si le mental prend le dessus, nécessairement, l'âme sait qu'elle commence déjà à perdre. Parce que l'entité, le nom dit à l'âme... C'est le contrôle du canal. Tais-toi, c'est moi qui s'en viens. Si tu dis « je suis Daniel », cela veut dire que mentalement, tu prends contrôle d'un être contrôle qui est le canal, une des parties du canal réincarnationnel. Ça veut dire que tu pourras l'étrangler à volonté, d'où l'idée de la colère mentale. Ça veut dire que tu pourras l'ouvrir et même le transformer et le canaliser. Ça veut dire des choses dans le genre. Mais lorsque l'individu commence à parler avec une voix mentale, donc c'est pas « je suis Daniel ». Et il y a beaucoup d'individus qui vont poser la question « je suis Daniel ». Ben, ils sont bien convaincus que c'est correct. Pose une question, ils quémandent l'approbation. Ils vont dire « non, c'est pas ça que je veux faire ». Ben, enregistre-toi et écoute-toi. Puis si t'as pas trop d'ego, tu te rends compte qu'effectivement, tu finis à poser une question. Comme le gars à TVA, celui qui dit toujours à Radio-Canada plutôt. C'est mon meilleur. Je n'écoute pas ça. À Ottawa? Il n'est pas sûr qu'il est à Ottawa. Et mon gars, ça. Tu finis toujours en demandant l'approbation. Alors, je suis Daniel. C'est bon. Est-ce que ça se pratique? Ça se pratique. Ça devrait se pratiquer. Et lentement, l'individu va finir par arriver à supporter son nom, ce qui est déjà les premiers pas pour se respecter. S'il n'est pas capable, est-il mieux de s'en trouver un autre? Ça dépend bien gros. Si le nom ne lui plaît pas, pas parce qu'il prononce. Mettons, déjà le nom ne Marguerite. Lui plaît pas, oui. Comme un problème qu'il m'a posé. Gros problème. On ne devrait jamais, jamais, jamais avoir un nom double. Comme Jean-François. Comme mes deux enfants. C'est ça. Ouais. Jamais. Pourquoi? Parce que tu as un canal réincarnationnel Jean qui amène des informations réincarnationnelles d'un type particulier. Tu as un canal réincarnationnel François qui amène des informations d'un type particulier. Puis l'âme en dedans, lui, est manipulée par deux entités. Puis là, continuellement, on n'a pas une guerre à faire contre un, une guerre à faire contre deux. Ce qui complique les choses. Il y a des ruses guématriques. C'est de fusionner les noms, puis mettre de tirer entre les deux. Et dans la prononciation, c'est plus Jean-François. C'est pas deux noms qu'on prononce. C'est Jean-François d'une façon différente. Alors, on l'écrit jusqu'à temps que ça fusionne entre le S, entre des morceaux. Et lentement, tu en fais un nom. Si on ne veut pas, par exemple, changer totalement le phénomène du nom. Sinon, ben, ça va être Jean ou François. On écrit Jean-François, si tu veux, on s'en fout. Mais si tu le prononces d'une traite, je dirais, dans un seulement, c'est dans ta tête, il n'y a pas de tiret, il n'y a pas séparé, ça devient un nom nouveau. Puis les enfants que tu as appelés par un surnom, de la jamais naissance on avait des jusqu'à surnoms à 8, 10, 12 ans, ou même, il y en a qui vont traîner ça longtemps. Moi, particulièrement, tu fais une autre personnalité. J'en ai connu. Il faut que tu les enlèves. Il faut une autre personnalité, un autre canal réincarnationnel. Qu'est-ce qui arrive avec leur vrai nom? Il n'a jamais été utilisé, finalement, non. Ou presque? Puis quand tu te dis non, par contre, il leur plaît peut-être suffisamment. Tu utilises ce nom-là, et puis tu élimines le surnom. Puis l'enfant va se retrouver un peu plus comme il est. Sinon, il va toujours jouer. Parce que quand on donne un surnom, normalement, on donne un surnom qui est un peu farfelu, ou un surnom qui est égrégorement relié à bien des choses. Un surnom plus amical pour mieux posséder. Bon, mettons que tu t'appelles Richard. Alors, Richard, t'as-tu 5 piastres? Ah, oh, non, pas encore. Ah, oh, oui, non, Ricky. Je l'ai donné fait, tu me 5 piastres. Bon. Alors, c'est un nom qui est encore plus menuisant. Moi, il m'appelait Ticu, ça ne marcherait pas. Non, mais toi, c'est différent. T'es pas célèbre à rien non plus. Mais n'empêche que c'est ce que ça donne. Alors, c'est une problématique, les noms. Ouais. Alors, à un moment donné, ben oui, on fait quoi comme exercice? Eh bien, quand quelqu'un va vous demander c'est quoi votre nom, vous dites je suis votre prénom. Vous mangez une nappe.